de retour avec vous Bernard Isler et à cette nouvelle bande dessinée qui sort aujourd'hui, le premier tome en tous les cas, Le ciel au-dessus de Bruxelles. Nous sommes en mars 2003, la guerre en Irak se prépare et à l'occasion d'une manifestation pacifiste à Bruxelles, Jules Engelstern va rencontrer la jolie Fadia. Il est juif khazar, c'est une communauté particulière ça ? Disons que les Khazars, c'est un empire entre le 6e et le 12e siècle, et qui aurait disparu au 12e siècle. Maintenant, certains prétendent que certains auraient émigré et seraient à la base des Ashkénazes en Pologne. Mm-hmm. Maintenant, il y a aussi des Karaïtes, des Juifs en Estonie, etc., qui pourraient aussi prétendre à cette descendance. D'un autre côté, les instances d'Israël ne reconnaissent pas vraiment les Juifs Khazars et on dit que c'est la 13e tribu d'Israël, une manière de dire qu'ils ne font pas vraiment partie. Ouais. Parce qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils se sont convertis. Voilà, ce qui est très très rare, c'est même le cas unique dans l'histoire d'un pays entier qui s'est converti au judaïsme. Ça s'est passé au 7e siècle. Et donc j'ai imaginé qu'il y avait des descendants qui ont descendants khazars qui traversent l'Europe. J'aime bien cette idée de nomades. Ouais, et pas forcément, c'est mystérieux. Et puis tout simplement, j'ai cherché un endroit dans l'histoire où il y avait des juifs et des musulmans qui avaient vécu ensemble. Et il se fait, enfin, d'après ce qu'on sait, que sur les rives de, je crois que c'était Itil, la capitale de l'Empire Khazar, il y avait la Volga au milieu, et entre sur une rive, il y avait les musulmans, et de l'autre côté, il y avait les juifs. Et ils se sont parfaitement bien entendus, parce que c'est un empire qui a d'abord été très prospère à l'époque, qui était une forme de zone d'équilibre entre la Turquie et tout l'empire islamique, et de l'autre, Charlemagne. Et donc, l'empire juif. Et donc ils étaient en parfait commerce à la fois avec les chrétiens, à la fois avec les musulmans. Ils ont maintenu cet équilibre pendant à peu près, quatre siècles, mm-hmm. Je veux dire. Et je trouvais ça très beau d'essayer de faire référence à un moment dans l'histoire, en tout cas, où les juifs et les musulmans se sont parfaitement entendus, en plus du fait que Babylone, tout le monde le sait, et quand même la fondation d'Israël, il y avait forcément... voilà. En tous les cas, votre héros, Jules Engelstern, est descendant de cette communauté khazar, et il rencontre, je le disais, hein, en mars 2003, la jolie Fadia. Elle est beurette, elle est bruxelloise, un petit peu manipulée par son frère aussi. Elle est en route, tout simplement, pour un attentat suicide, dans le cadre de cette manifestation pacifiste. Manipulée, on ne sait pas bien jusqu'où, hein. C'est très compliqué l'histoire des terroristes, ou plutôt des filles qui vont aller se suicider pour une cause, que ce soit la cause palestinienne, que ce soit la cause tchétchène, que ce soit... À aucun moment donné dans l'histoire, on ne dit pour quelle cause elle se bat exactement. Moi, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu, enfin comme tout le monde, j'ai vu les attentats en Israël, etc., que ces jeunes hommes ou ces jeunes femmes qui vont aller se faire sauter pour la patrie, je suis effrayé et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui pouvait se passer dans leur tête. Alors j'ai essayé d'imaginer un portrait type. Je me suis rendu compte à la suite de lecture qu'il n'y a pas de portrait type de la kamikaze. Il y a une succession de portraits différents et extrêmement humains. C'est des jeunes filles, la plupart du temps vierges, et qui ont une forme d'idéalisation assez romantique de la mort, où la mort représente une forme de pureté, sans tache. Et donc il y a quelque chose comme ça qui peut les mouvoir à forcer. Et bien entendu, elles sont toutes manipulées, c'est clair. Dans le cas de la Tchétchénie, on pourrait dire que la plupart du temps, c'est un peu la vengeance qui les manipule, même si je pense qu'il y a des appareils politiques, mais on sait peu de choses sur la Tchétchénie. En Palestine, c'est assez clair, on sait très bien que les terroristes reçoivent des sommes d'argent considérables quand ils se sont fait sauter, enfin leur famille reçoit, et donc voilà. Donc il y a tout quelque chose derrière, mais ça, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait, donc je crois qu'on sent dans l'histoire qu'elle est manipulée par son frère, qui appartient peut-être à une branche plus extrémiste. On sait aussi que comme dans les attentats de Londres, c'est très difficile à savoir jusqu'où ça va. C'est parfois des gens qui sont sans identité, qui se retrouvent dans un pays, des beurs, qui sont mal intégrés et qui vont reformer une forme de cellule malgré... Voilà. Ce qui est épatant en tous les cas, c'est que de manière tout à fait improbable, ces deux-là, presque comme des Roméo et Juliette contemporains, vont dans une chambre d'hôtel au 25e étage, dans le ciel au-dessus de Bruxelles, hein, comme le dit le titre, se rencontrer, s'aimer. C'est un petit peu ça finalement, c'est quoi? C'est l'amour plus fort que l'histoire? Ce sont des Roméo et Juliette contemporains? Oui, il y a de ça, bien sûr. Il y a aussi Je veux dire, l'histoire d'amour est improbable, parce que toute histoire d'amour est improbable. Qu'est-ce qui fait qu'un homme rencontre une femme? C'est depuis l'aube de l'humanité, on se pose des questions. Qu'est-ce qui fait qu'on va se reconnaître dans l'autre? Peut-être qu'il y a des histoires de vie antérieure, qui fait qu'on s'est déjà rencontré ailleurs, qu'on se reconnaît, on n'en sait rien. Parce qu'il y a aussi toute une dimension fantastique dont on sent qu'elle va être exploitée dans le deuxième tome, hein, qui va bientôt sortir. Je pense qu'il y a une côté forcément naïf dans une histoire d'amour, de croire qu'on va réinventer l'histoire du monde à chaque fois. C'est Adam et Ève, c'est beau. Et c'est particulièrement naïf d'imaginer qu'une musulmane qui s'apprête à faire un attentat terroriste va rencontrer et tomber amoureuse d'un juif. Ça paraît impossible. Et pourtant, voilà, moi je crois que c'est possible. Voilà, c'est là la dose d'espoir ou d'imaginaire ou de côté improbable que ça je veux mettre en scène. Un petit peu votre côté idéaliste pacifiste aussi, parce que cet album est baigné dans la fameuse chanson Imagine de John Lennon, pacifiste s'il en est. Une chanson qui a accompagné l'inspiration, l'écriture de l'album? Oui, c'est plus que ça. Il y a la chanson et puis il y a la séance de Bedin qu'a fait Lennon et Yoko Ono en 1971. À la guerre du Vietnam cette fois-là. Voilà. Et ils ont manifesté pour la paix en occupant une chambre d'hôtel du Hilton pendant une semaine, en faisant l'amour. Ça n'était pas montré, mais en se posant nu devant à la face du monde. Donc il y avait un jaune et un blanc qui, au lieu de se faire la guerre, faisaient l'amour. Donc le message pacifiste me semblait extrêmement fort. Et je me suis dit, tiens, au moment de la guerre d'Irak, il serait peut-être bon de rééditer, en tout cas sous forme imaginaire, mais de montrer que c'est possible et qu'il y a peut-être d'autres moyens de se rencontrer que de se faire la guerre. Une histoire d'amour en tous les cas, ben Bernard Isler, Le ciel au-dessus de Bruxelles, dont les retombées aujourd'hui sont bien plus larges que celles de ce simple album de bande dessinée. Ça fait rêver, ça fait réfléchir aussi beaucoup. Il y a aussi un magnifique traitement de l'image, parce que vous utilisez des images de télévision dont on sait qu'elles ont été hyper utilisées, détournées dans la guerre en Irak. On n'a pas l'occasion d'en parler ici, il faut se plonger dans cet album absolument. Il est splendide. Bernard Isler, Le ciel au-dessus de Bruxelles, sort chez Futuropolis aujourd'hui. Un grand merci. Merci. À bientôt. Vous.